Pourquoi tout le monde ou presque adore les frites alors qu'il est beaucoup plus difficile de faire manger des choux de Bruxelles ou des endives à des enfants? Pourquoi préfère-t-on une chips craquante à une chips molle alors que les deux ont strictement le même goût? Qu'est-ce que le label hédonique associé à un mets? Comment expliquer que le goût et l'odeur soient aussi subjectifs? Deux personnes qui mangent le même plat n'en auront pas la même perception alors que la vue et le oui sont des sens plus objectifs puisque deux personnes au même endroit voient la même chose. Autant de questions passionnantes sur ce sens a priori jugé primitif et qui est en fait éminemment complexe. Jusqu'au bout du goût, c'est le programme alléchant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ce sens chimique et à la complexité de nos perceptions gustatives individuelles, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mustapha Ben Safi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon et co-auteur avec Catherine Roubi de Cerveau et Odorat, comment rééduquer son nez, c'est chez EDP Science. Et Charlotte Sinding, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse INRAE en neurosciences au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, Dijon. Mais on commence par celle qui donne chaque jour toute sa saveur à l'actualité scientifique. Savoureux. C'est Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et allez, on commence ce journal avec une étude parue aujourd'hui dans la revue Frontiers in Plant Science sur les étonnantes micro-algues des neiges. Oui, des micro-algues qui peuvent parfois colorer la neige en rouge. C'est un phénomène mystérieux que l'on observe depuis longtemps. Le premier qui s'y intéresse, c'est Aristote, vers 350 avant notre ère. Il décrit quelque chose de rouge et velu à la surface de la neige. Puis il y a des siècles d'études menées par des glaciologues qui pensent que ces algues accélèrent la fonte de la neige. Mais pour la première fois, un consortium rassemble des biologistes, des écologues, des glaciologues, des climatologues pour mieux comprendre ces étranges écosystèmes. Le consortium Alpaga qui réunit 5 laboratoires français. Alors les chercheurs sont allés prélever de l'ADN environnemental dans les Alpes à différents niveaux, de 1000 mètres jusqu'à des altitudes très élevées, vers 3000 mètres. Et ils ont découvert que certaines espèces d'algues ne se développent que dans certains endroits. L'espèce Sanguina, par exemple, ne vit qu'à partir de 2000 mètres d'altitude. Éric Maréchal est directeur de recherche au CNRS. Il dirige le laboratoire physiologie cellulaire et végétale de Grenoble et il coordonne le consortium Alpaga. Ces micro-algues qui sont microscopiques, elles sont partout dans l'environnement. Vous en avez sur votre table, vous en avez sur le capot de votre voiture, il y en a sur les poubelles, il y en a sur les éclairages urbains, il y en a partout. Pas uniquement là où on les attend, c'est-à-dire dans les océans, les rivières, les lacs. C'est vraiment des organismes photosynthétiques qui sont à la base des écosystèmes, donc ils sont capables de se développer dès qu'il y a un petit peu d'eau et puis de la lumière. Elles se propagent dans l'air, un peu comme le pollen, et elles peuvent voler d'un endroit à l'autre. Ce que l'on observe in fine dans ces travaux, c'est qu'il existe des algues de basse altitude, des algues de moyenne altitude, des algues de haute altitude. Et puis il y a les cosmopolites, celles qui peuvent se développer partout et qui ont une forme de résilience. Vivre dans la neige, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une grande question sur laquelle on a vraiment peu d'éléments. On a des éléments fragmentaires, on a que quelques petites pièces du puzzle. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un environnement à 0 degré en permanence? Dans l'environnement, habituellement, il y a des variations de température, mais dans la neige, on pourrait penser que la neige, c'est un milieu froid, donc un milieu extrême. Mais rappelez-vous les igloos, vous avez en fait une protection thermique qui est opérée par la neige. Donc la neige n'est pas un milieu aussi hostile que ce que l'on peut croire, et ça, c'est les travaux qu'on a faits qui commencent à nous l'indiquer, car il y a une permanence à 0 degré, alors peut-être que ces algues, elles produisent un petit peu de sel autour d'elles, de façon à décongeler un tout petit peu leur environnement, ça peut être des hypothèses qu'on peut avoir. J'aurais dit qu'elle se débrouille pour être dans un milieu liquide, à l'intérieur du manteau neigeux qui, lui, est à 0 degré. Et ce que nos travaux ont pu montrer, c'est que si jamais ces algues étaient dans un environnement qui, cette fois-ci, est véritablement froid, avec des longues périodes de gel, peut-être à moins 20, peut-être encore plus bas, eh bien, elles ne survivent pas. On peut dire qu'elles se protègent en se développant dans la neige. Et vous pouvez retrouver, comme chaque jour, toutes ces études sur notre fil Twitter @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon un rapport de l'INSERM, la France est championne d'Europe du nombre de morts liées à l'alcool, avec 41 000 décès par an. Et pour cet état des lieux, les chercheurs de l'INSERM se sont appuyés sur 3 600 études. Alors, l'alcool est la première cause d'hospitalisation en France, mais aussi l'une des principales causes de perte d'années de vie en bonne santé. Cancer, maladies cardiovasculaires, maladies digestives, maladies mentales, l'alcool est lié, directement ou indirectement, à une soixantaine de pathologies, et c'est sans compter les accidents. Chez les adultes, la consommation moyenne est de 3 verres par jour, c'est plus que la recommandation des 10 verres maximum par semaine. Alors pour réduire les dommages liés à l'alcool, les experts préconisent un durcissement de la loi Evin, avec une régulation de la publicité plus ferme, un encadrement plus strict de la vente et une meilleure prévention sur les risques encourus. En bref, toujours, on s'approche de la création d'un vaccin universel contre la grippe. Les chercheurs du National Institute of Health aux États-Unis cherchent des volontaires pour un essai clinique de phase 1 pour tester le candidat vaccin Flumos V1. Un vaccin expérimental à nanoparticules conçu pour stimuler des anticorps contre plusieurs souches du virus de la grippe. Alors, des tests sur des animaux ont montré que Flumos V1 produit des anticorps qui ciblent une partie de la protéine HA, hémagglutinine. Alors pour cet essai clinique, 40 adultes en bonne santé seront répartis en 3 groupes. Le premier recevra 20 microgrammes de Flumos V1, le second groupe, le groupe témoin, un vaccin standard contre la grippe, puis un troisième groupe recevra 60 microgrammes. Les chercheurs observeront le taux d'anticorps produit contre la protéine HA. La fin de cet essai est prévue pour mai 2023. Et enfin, selon une étude parue dans Scientific Reports, de l'ARN de virus Zika a été retrouvé pour la première fois sur des chauves-souris sauvages. Le virus Zika est un flavivirus transmis par les moustiques. Une équipe américaine a analysé des échantillons de 198 chauves-souris sauvages de la forêt de Zika, en Ouganda, là où le virus a été trouvé pour la première fois. Des échantillonnages qui datent de 2009 à 2013, soit avant les grandes épidémies de 2015 à 2017 en Amérique du Nord et du Sud. 4 chauves-souris de 3 espèces différentes portent de l'ARN subgénomique de flavivirus associé au virus Zika de la lignée asiatique. Ces résultats suggèrent que ces animaux peuvent être infectés naturellement par des moustiques et que l'écologie des flavivirus semble plus complexe que prévu. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Comment expliquer que la menthe donne un effet de frais alors qu'elle n'est pas particulièrement fraîche et qu'on ne la sort pas du frigidaire, ou que le piment nous fasse à l'inverse ressentir de la chaleur? Pourquoi est-ce que je n'aimais pas le chou-fleur et le brocoli petit alors qu'aujourd'hui j'adore ça? Pourquoi un croissant de la veille tout dur est moins bon qu'un croissant tout frais sorti du four alors que bien c'est la même recette? Beaucoup de réponses à ces questions tiennent au fait que le goût, loin d'être un sens un peu primitif comme on se l'imagine souvent, est au contraire un sens très complexe, très élaboré, qui met en jeu plusieurs niveaux de capteurs et de centres neurologiques. Vous savez certainement qu'on ne distingue que 5 goûts différents, le salé, le sucré, l'amer, l'acide et l'umami. Comment, à partir de ces 5 saveurs, reconstituer l'infinité des palettes de goûts envisageables? Eh bien, grâce aux arômes et donc en fait grâce à l'odorat interne. Et l'exemple type pour comprendre cette distinction entre saveur et arôme, c'est via le bon vieux rhume hivernal, et c'est notre archive du jour. Chacun sait cela, la gustation permet de classer les différentes molécules actives, dites molécules sapides, en 4 groupes de corps, représentant 4 qualités sensorielles distinctes et discriminables, les corps sucrés, les corps acides, les corps salés, les corps amers. La gustation fournit 4 saveurs et c'est tout. La langue, donc, permet de distinguer 4 types de saveurs. Et c'est l'organe olfactif qui sait différencier, avec une extraordinaire finesse, un nombre considérable de goûts. Votre distinction est excellente. En effet, et nous venons de le rappeler, la gustation permet une analyse assez grossière, une analyse chimique assez grossière des corps qui agissent sur le système. Mais dans le domaine olfactif, la discrimination, la distinction des qualités sensorielles est considérable. Et la distinction que vous faites entre goût proprement dit et goût alimentaire est très bonne. En effet, on oublie trop souvent que dans le goût alimentaire, dans le goût d'un mets, il existe une part très faible revenant aux stimuli gustatifs proprement dit. On se rend compte très couramment de la chose lorsque, atteint d'un rhume de cerveau banal qui nous prive passagèrement de notre odorat, le goût des mets est réduit aux pures sensibilités gustatives, c'est-à-dire à presque rien. Voilà, extrait de l'émission Le Progrès et la Vie sur la radiodiffusion française. Nous sommes en novembre 1960. On entend qu'à l'époque, il manque encore hein, l'umami, dans le classement des 5 saveurs. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Mustapha Ben Safi? Oui, donc c'est encore d'actualité ce qu'on vient d'entendre. Donc effectivement, gustation et olfaction sont deux sens chimiques qui travaillent ensemble. Et quand on a un aliment en bouche, eh bien cet aliment, il va y avoir des molécules qui vont diffuser à travers la salive et donc qui vont aller pouvoir stimuler le système gustatif. Donc c'est un système composé de capteurs qui sont situés au niveau de la langue, et puis au niveau du palais, et puis au niveau du canal alimentaire. Mais on va également avoir dans cet aliment des molécules un peu plus volatiles, qui vont aller diffuser de partout dans la cavité nasale, et qui vont trouver un passage à l'arrière de la bouche, à l'arrière du palais, et elles vont remonter dans la cavité nasale pour aller stimuler le système olfactif, l'odorat. Cette voie qui passe par l'arrière du palais, on appelle ça l'olfaction rétronasale. Et donc gustation plus olfaction rétronasale, donc c'est ces deux sens auxquels la personne se référait dans le documentaire, vont nous permettre en fait de qualifier ce qu'on appelle le goût. Le goût qui est une combinaison entre la gustation, l'olfaction, et puis... également un autre sens chimique, hein, on y reviendra sans doute après, qui s'appelle la sensibilité trigéminale, qui est un petit nerf qui va en fait innerver la cavité buccale, la cavité nasale, et qui va nous permettre, en complément du sucré, de l'acide, du salé, de l'amer, de l'umami, mais également des milliards d'odeurs qu'on peut discriminer, ils vont nous permettre d'ajouter quelques petites dimensions comme la fraîcheur d'un bonbon mentholé, le piquant d'un piment, etc. Ce qui est intéressant et ce qui est passionnant avec le goût, finalement, Charlotte Sinding, c'est qu'on pourrait dire que c'est en fait un sens composite, parce que là, on évoque, comme vient de le faire Mustapha Ben Safi, les trois composantes, hein, gustatif, olfactif et trigéminal, mais on pourrait aussi ajouter la vision, le toucher, dans le sens où la consistance va apporter aussi des informations. Bref, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement composite. Oui, tout à fait. Ça a été dit à plusieurs reprises. C'est un sens, le sens du goût, qu'on appelle communément le sens du goût. C'est un sens extrêmement... ça comprend des perceptions extrêmement variées. Et la représentation qu'on a de l'aliment à partir de ces perceptions, elle est extrêmement complexe. Donc elle intègre effectivement principalement le goût et l'odorat, on appelle la représentation la flaveur, en fait. Et cette flaveur, elle peut ensuite être modulée par la vision, donc notre représentation visuelle de l'aliment ou les informations qu'on a reçues sur la boîte qui est de l'aliment. Mais aussi, elle peut être modulée par le son. Donc, le son des chips, c'est extrêmement important pour apprécier les chips. Ça a été des expériences qui ont été faites en modulant le craquant des chips en même temps que les personnes les dégustaient, ça modifiait la perception et l'appréciation de l'aliment. Donc on se fie aussi à nos sens qu'on appelle plus communément les sens physiques, donc l'ouïe et la vision. Ce qui est aussi passionnant quand on s'intéresse au goût, Mustapha Ben Safi, c'est que je l'évoquais rapidement dans l'introduction, le goût est un sens qui s'éduque. Contrairement à la vue ou à l'ouïe, une fois qu'on a la vue ou qu'on entend les choses, alors on peut avoir une oreille plus ou moins fine, mais le goût est quelque chose qui va se transformer, se complexifier au fur et à mesure de l'existence d'un individu. On peut à un moment donné ne pas aimer un aliment, apprendre à l'aimer, puis de plus l'aimer à nouveau. Enfin, c'est quelque chose qui peut changer. Ouais, effectivement, c'est un point très important. C'est d'ailleurs cette question de l'éducation ou de l'apprentissage. Une question qui anime énormément de projets de recherche en ce moment. La question qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est acquis, en fait. Et beaucoup, on va dire, au départ, il y a une molécule qui s'accroche à un récepteur. Donc, inévitablement, il y a une partie qui est biologique, qui est sur lequel on a un équipement qui est pré-câblé et qui va nous permettre de détecter un certain nombre de molécules gustatives ou olfactives. Néanmoins, ça c'est ce qui se passe à la base, même si dans ces récepteurs on va pas exprimer tous les mêmes récepteurs, mais ça c'est une autre histoire dont on parlera peut-être tout à l'heure. Dont on parlera tout à l'heure, je vous confirme. Voilà, donc en fait, si vous voulez, cette interaction entre la molécule et le récepteur, ça c'est la base des recherches en neurobiologie, en biologie cellulaire, même en chimie, sur lequel on va voir qu'il y a des invariants entre les individus. Donc ça c'est, on va dire, la part un peu entre guillemets innée. Mais néanmoins, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées par des neuroscientifiques, des psychologues. Donc là on est à la frontière entre les sciences biologiques et les sciences humaines, qui montrent que en réalité, la trajectoire développementale de chacune et chacun va faire qu'on va tous développer une odeur, un arôme, une saveur bien particulière quand on va être quand on va percevoir le même stimulus. Si vous voulez, deux individus qui vont avoir en bouche la même chose vont pas forcément avoir la même image sensorielle, la même perception. Et ça, c'est vraiment la combinaison entre eux. Ce qui relève entre guillemets de l'inné et ce qui relève de l'apprentissage, de l'acquis. Oui. Et du culturel aussi, Charlotte Sinding, un mot à ce propos. Effectivement, il y a une composante culturelle, sociale, disons, au goût, qui fait que, par exemple, on prend souvent l'exemple du fromage en France, qui est un mets qui peut dégoûter d'autres formes de culture. D'ailleurs, pas uniquement de différents continents, pas uniquement occidental. Vraiment, il y a une vraie composante socioculturelle, en tout cas, à l'apprentissage du goût et à la formation du goût. Oui, tout à fait. Il y a la culture, elle est particulièrement forte d'ailleurs en France. Hein, la culture culinaire influence pas seulement les cartes de nos restaurants, mais elle influence beaucoup notre présentation des aliments et puis aussi notre appréciation, bien sûr, mais vraiment la façon dont notre cerveau va se construire et va se câbler est déterminé par notre alimentation et notre expérience, nos expériences alimentaires. Donc, je peux donner un exemple, par exemple, qui est assez facile à comprendre. On fait des expériences où on regarde comment des arômes, donc des odeurs, sont perçus comme des goûts. Donc, c'est un mécanisme un peu particulier qu'on appelle le renforcement de la saveur par l'arôme. Et en fait, il se trouve que certaines odeurs vont être perçues comme des goûts. Donc, par exemple, la vanille, on la perçoit en France comme ayant un goût sucré, bien qu'elle ne stimule pas du tout les récepteurs gustatifs, les capteurs gustatifs qu'il y a sur notre langue. C'est un phénomène naturel, mais qu'on essaie de comprendre. Et il se trouve que cette vanille, elle ne renforce pas du tout le goût sucré au Vietnam. C'est l'odeur de citron, l'arôme de citron qui va renforcer le goût sucré. Et ça, c'est dû au fait qu'ils ont une expérience beaucoup plus forte de cet arôme de citron avec du sucre. Donc voilà, cette exposition, elle est assez importante pour nos perceptions. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons du goût, de ce sens ô combien complexe et passionnant qu'est le sens du goût. Nous en parlons avec Mustapha Ben Safi et Charlotte Sinding. On peut peut-être commencer par poser finalement quelques bases presque évolutives. Vous disiez tout à l'heure, Mustapha Ben Safi, il y a des saveurs qui sont plus universellement acceptées que d'autres. On peut revenir brièvement sur l'important et le rôle évolutif qu'a cette perception de l'être humain d'un certain nombre de saveurs. Et il est vrai notamment que la saveur sucrée est assez universelle, là où évidemment l'amer va être beaucoup plus difficile à éduquer au goût et parce qu'il représente et il signifie autre chose. Alors, effectivement, si vous présentez des saveurs sucrées, acides à des nouveau-nés, les expériences montrent que les nouveau-nés vont avoir vraiment des réponses faciales qui ressemblent à celles d'adultes, c'est-à-dire que ils vont répondre à la négative en réponse à la stimulation amère, et puis ils vont avoir un espèce de sourire, ou alors ils vont bouger un peu plus la langue quand on leur présente une stimulation sucrée. Mais néanmoins, il y a beaucoup de travaux qu'ont été menés quand on parle d'essence chimique. En olfaction, par rapport au rôle un peu à l'utilité de ces sens chimiques du point de vue évolutif. Par exemple, il y a des études qui ont comparé au niveau neurobiologique chez différentes espèces la taille de la première structure du cerveau qui va réceptionner l'information des récepteurs olfactifs. Cette structure, elle s'appelle le bulbe olfactif. Et sa taille par rapport au reste du cerveau, sa taille relative, elle est beaucoup plus petite chez l'homme que chez les autres espèces. Et par ailleurs, l'être humain va avoir moins de récepteurs olfactifs dans son système olfactif. Et pour rappel, on le présentera tout à l'heure, je pense, les récepteurs olfactifs, ce sont des protéines dont l'expression dépend de notre génome. Mmh. Et ça a conduit des scientifiques comme Paul Broca, à affirmer que l'homme, c'est une espèce microsmatique, une espèce dont l'odorat ou le goût est très peu important. Mais il y a plusieurs arguments aujourd'hui, on pourra en discuter, qui montrent en fait qu'on n'est pas une espèce microsmatique et que le goût et l'odorat ont des fonctions très essentielles. Mmh. Ce vers quoi je voulais vous emmener, c'est que finalement chacune de ces cinq saveurs qu'on pourra redéfinir, parce que sucré, salé, amer, acide, tout le monde voit très bien, ou mamie, à chaque fois il faut redéfinir un peu parce que on a du mal à l'associer à quelque chose de précis. Mais le sucré, si on pense de manière un peu évolutive, le sucré est plutôt le fait des fruits mûrs et donc qui sont bons pour l'organisme et qui sont donc sains à consommer, tandis que l'amer est plutôt en général associé à des plantes ou à des alimentations qui sont vénéneuses et qui sont potentiellement dangereuses, etc. Il y a quand même une sorte d'association logique évolutive. Moustapha Ben Safi, un mot là-dessus? Absolument. Par exemple, si vous prenez les seuils de détection à différentes molécules gustatives, eh bien notre système gustatif, il est capable de détecter la quinine, voire la strychnine, qui est un poison, à des concentrations mais extrêmement petites par rapport à d'autres stimulations comme les stimulations sucrées. Et donc là, on voit bien que le système il est orienté vers la détection de quelque chose qui peut être nocif pour notre organisme, voire mortel, hein, vous l'avez dit. Et donc en fait, il y a cette fonction de défense qui est, on va dire, assez stable entre les individus. Mmh. Très très stable. Et effectivement, alors pour moi le sucré, c'est pas il y a également une stabilité dans la préférence au sucré entre les individus. Par contre, si vous prenez d'autres types de stimulation, alors j'ai pas d'exemple, peut-être que Charlotte en aura pour la gustation, mais en olfaction, je sais que la stabilité entre les individus, c'est-à-dire le caractère hédonique qui est vraiment stable entre les gens, on l'observe beaucoup plus pour les stimulations déplaisantes, hein, l'équivalent de l'amertume pour la gustation. Et par contre, pour tout ce qui est agréable, eh bien là, on va avoir une très grande diversité entre les gens. Mmh. Ouais. Charlotte Sinding, à ce propos? Alors effectivement, je pense, pour compléter sur un point, la fonction évolutive pour moi, de l'alimentation, c'est vraiment notre dernière barrière d'entrée, c'est notre détecteur avant que l'aliment soit ingéré. Donc c'est extrêmement important d'être capable de détecter rapidement, est-ce que ça va être profitable à notre corps, est-ce que ça va être bénéfique ou est-ce que ça va être potentiellement dangereux. Et donc c'est un peu la dernière barrière, le contrôle avant de faire entrer l'aliment dans la bouche. Que l'olfaction, ça a quand même une fonction qui va être de pouvoir pré-identifier en sentant l'aliment. On fait encore ça, même si c'est pas très, très apprécié, mais c'est important de pouvoir sentir les aliments avant de les manger pour pouvoir prédétecter ben, est-ce que cet aliment il sera associé plutôt à des molécules amères, plutôt à des molécules sucrées. Donc il y a aussi une fonction, puis aussi de savoir est-ce que je vais prendre du plaisir en mangeant cet aliment, est-ce que je peux identifier ce que c'est, est-ce que ça va être plaisant, déplaisant, etc. Mais alors pourquoi est-ce que justement la saveur amère est rejetée initialement par les nouveau-nés, comme souvent la saveur acide? Vous avez certainement vu ces vidéos de nouveau-nés à qui on donne des gouttes de citron et qui trouvent ça absolument déplorable et détestable. Et comment se fait-il que petit à petit, finalement, on perde cette aversion initiale atavique, en quelques guillemets, pour finir par aimer des saveurs plus amères, que ce soit, je ne sais pas, des endives ou de la suze, avec modération, Jean-Tine Digue. Oui, c'est assez... Alors, il y a un petit paradoxe aussi. Plusieurs résultats assez différents sur cette vraiment chez les nouveau-nés, bien qu'il y ait des mimiques faciales, par exemple de dégoût ou de plaisir, soit par rapport à la mère, soit de plaisir par rapport au sucré, on se rend compte qu'en fait les quantités ingérées de d'eau, par exemple, qui sont avec du sucre ou avec des composés amers, sont pas très différentes. Donc ça veut dire qu'au premier abord, même si on a ces mimiques, l'ingestion de ces solutions n'est pas forcément différente. Et il se trouve qu'il y a un petit effet un peu complexe qui est le lien avec la mère ou le père qui va voir cette réaction faciale et va peut-être du coup enlever la solution. Donc va finalement protéger l'enfant en détectant ces... Donc ça, c'est un petit point de paradoxe. Mais néanmoins, le fait qu'on apprécie le café au bout d'un moment, c'est aussi qu'on a remarqué qu'avec des quantités assez faibles de composés amers, c'était finalement apprécié. Et ça déclenchait pas forcément des réactions de dégoût. Donc souvent, on commence avec, par exemple, des cafés très légers pour petit à petit s'habituer à ces solutions qui sont finalement socialement acceptées et on se réfère aussi aux personnes avec qui on mange à table, on est plusieurs, on regarde comment les autres s'alimentent et on imite aussi voilà, ce qui se passe. Donc il y a cet effet qui est quand même d'effet social qui est assez fort et qui permet de nous habituer à des solutions ou des aliments qui nous paraissent premièrement, a priori, pas acceptable. Moustapha Ben Safi, à ce propos. Oui, en fait, on pourrait faire une analogie avec la moutarde, hein, qui est un stimulus qui stimule fortement le système trigéminal dont on a parlé très rapidement tout à l'heure. Mais la moutarde, c'est un stimulus qui est intrinsèquement dégueulasse. et au fur et à mesure qu'on va en consommer, en fait, on en consomme très rarement, on met rarement notre doigt dans le pot de moutarde et on va goûter de la moutarde comme on peut faire avec de la confiture. Mais son association avec un plat, je sais pas, un steak frites ou au fur et à mesure qu'on va s'alimenter, effectivement, au début on en met des petites doses et puis après on en met une dose correcte. Eh bien, cet apprentissage associatif va faire que ça va être un stimulus qui va être acceptable. Et donc cette forme de d'expérience associative, elle n'est pas à négliger, même pour l'amertume. Est-ce qu'il est vrai, pour rester encore un mot sur les saveurs, que le salé, le goût salé, le fait que le goût salé soit a priori un goût agréable à faible dose mais désagréable à haute dose, c'est une forme de régulation naturelle de la nécessité que nous avons d'ingérer des sels minéraux pour notre équilibre électrolytique, Moustapha Ben Safi? Alors, je suis pas spécialiste, peut-être que Charlotte aura quelque chose à dire là-dessus, mais instinctivement, enfin, comme ça, je dirais oui, parce que en fait, nos systèmes chimio-sensoriels, ils sont là pour nous aider à identifier des aliments, des fleurs, des choses qui sont pas bonnes pour nous, en fait, ils vont être sensibles de manière très spécifique à des molécules données. Et ces molécules qu'il y a dans l'environnement, notre seuil de sensibilité, c'est-à-dire notre capacité de détecter un petit peu de ces molécules dans l'environnement, eh bien, va être différente d'une molécule à une autre. Et pour les molécules les plus dangereuses, ou alors celles qui sont vraiment nécessaires à notre homéostasie, on va avoir des seuils effectivement très, très spécifiques, parfois très bas, donc une bonne capacité de les détecter. Et puis, Si ces seuils sont élevés à un certain moment, ben, il y a un niveau d'alerte qui est en fait dépassé et qui nous permet de stopper de s'alimenter. Charlotte Sinding, sur le salé. Oui, ben c'est tout à fait ce qu'a dit Moustapha, c'est-à-dire que c'est vrai pour le salé, mais aussi pour les autres composants amers dont on a déjà parlé, qu'on n'aime pas à forte concentration. En fait, toutes ces saveurs et toutes les molécules sapides qui donnent des saveurs, elles sont appréciées dans une certaine concentration, un certain rang de concentration, et puis dès qu'on les dépasse, ça devient désagréable. Alors, c'est un petit peu moins vrai pour le sucré parce qu'on a des mécanismes, malheureusement, d'adaptation et d'habituation qui font qu'on peut de plus en plus sucrer. On a besoin de plus en plus de sucre parce qu'on a besoin d'avoir ce plaisir, de trouver le niveau de plaisir auquel on s'attend. Oui, ça fonctionne comme une drogue et avec une forte accoutumance et un niveau de stimulation des circuits de récompense qui est très élevé. On en avait déjà parlé à ce micro. Je vous laisse poursuivre. Voilà, c'est ça. Mais ça peut être aussi vrai pour le salé, puisqu'il y a des personnes qui salent beaucoup plus que d'autres. Et on voit dans nos expériences, d'ailleurs, quand on teste le sel, qu'on a des niveaux de perception de l'intensité qui sont très variables d'une personne à une autre. Donc, il y a probablement des mécanismes un peu similaires par le salé, même si ce n'est pas exactement le même réseau de la récompense. En tout cas, il y a une partie qui est partagée, mais pas toute. Donc voilà, il y a des. C'est pas seulement la molécule en soi qui est importante, c'est la concentration de cette molécule qui va être déterminante pour notre appréciation et puis pour l'acceptation aussi. Et un dernier mot sur ces cinq saveurs. J'ai lu qu'il y avait un débat sur une sixième saveur. Alors on n'a pas beaucoup parlé de l'umami, mais il y aurait un point d'interrogation autour d'un débat sur le goût du gras, Moustapha Ben Safi. Oui. Alors. Il y a des études, hein, je crois que c'est chez la souris, qui ont montré qu'il existait un récepteur aux acides gras, voilà. Et en fait, la présence de ce récepteur, elle anime un peu la communauté scientifique pour savoir s'il existe chez l'homme. Ça conduirait en fait à ajouter le goût du gras comme sixième goût de base. Charlotte Sinding, vous avez un avis à ce propos? Oui, c'est aussi un peu plus complexe encore la saveur, en tout cas le goût du gras, puisqu'il y a effectivement c'est potentiellement des récepteurs aux acides gras, et aussi il y a souvent une composante d'arôme qui est associée. Donc ce qu'on n'a peut-être pas dit très clairement, c'est que les molécules qui vont donner le goût sont différentes des molécules qui vont donner l'odeur, l'arôme. C'est des molécules, celles des molécules d'arôme, ce sont des molécules volatiles qui peuvent remonter dans les conduits, dans les narines et dans les fosses nasales. Donc pour le goût du gras, ce qu'on n'a pas très bien compris, c'est comment voilà, ces molécules qui sont des acides captés par les récepteurs gustatifs sur la langue pourraient, ou alors elles sont associées à des arômes qui remontent dans les cavités nasales. On va continuer à parler du goût, parce qu'on parle évidemment beaucoup de goût et d'odorat. On va voir, même si on l'a déjà un peu dit, quels sont les chemins neurologiques, comment, qu'est-ce que c'est que ce fameux label hédonique, et puis l'importance également, on en a déjà parlé quelque peu, mais nous allons développer sur ce sujet de la composante visuelle, de la composante culturelle et de l'évolution du goût au cours de la vie. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Second chance, second wind. Oh no, the test is filled. I can't remember when. pain, I'll let the love in fact. I want to save her if I go come by. I fuck my chain, I know it's a fact. Forget the medication of Susan White. The reason why you want to suicide. The reason why you want to suicide. But I know this. Maybe it's time to be clear. Thanks for the devotion and your time. Ever sickness it's been a while. 16h35 sur France Culture, vous venez d'écouter un groupe qui s'appelle We Hate You, Please Die, c'est tout à fait sympathique pour un début de semaine. Can't Wait to Be Fine, c'est le titre du morceau. Nous parlons du goût tout au long de cette heure avec Mustapha Ben Safi, qui est directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche en Neurosciences à Lyon, et Charlotte Sinding, qui est chercheuse INRAE en Neurosciences au Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté Dijon. Vous l'avez entendu, un goût et olfaction sont totalement indissociables et l'un comme l'autre échappe encore pour partie à la compréhension scientifique. Des expériences sont toujours en cours pour tâcher notamment d'identifier les différentes composantes cérébrales dans la reconnaissance et la mémorisation de l'olfaction, comme au laboratoire de biologie fonctionnelle et adaptative de l'Université de Paris. Vous vous êtes rendu, Céline Dozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Dans ce laboratoire, oui, on étudie l'action des cellules gliales dans la reconnaissance des odeurs. Alors les cellules gliales, ce sont des cellules du cerveau dans lesquelles baignent les neurones, et dont on a longtemps minoré le rôle dans les fonctions neurologiques, et on pense effectivement que la glie, et en particulier les cellules astrocytes, ont un rôle tout aussi important que les neurones dans le traitement et la reconnaissance des odeurs. Claire Martin dirige des expériences avec des souris, qui ont l'avantage d'avoir un système olfactif similaire à celui de l'humain. L'objectif consiste à les entraîner pour leur faire apprendre des odeurs, puis ensuite d'inhiber chez elles les fonctions associées à la glie, car comme souvent en biologie, c'est en examinant les conséquences de lésions induites qu'il est possible de révéler le rôle précis de certaines structures. Alors on étudie l'olfaction chez les rongeurs, c'est un très très bon modèle les rongeurs parce que ce sont des animaux dont l'olfaction est vraiment le sens primordial. C'est un modèle aussi très intéressant parce que le système olfactif a assez peu évolué finalement entre une mouche, un rat et un humain. On retrouve vraiment des similitudes dans le système olfactif et notamment au niveau du bulbe olfactif. Donc ça veut dire que ce que nous, on peut observer chez le rongeur est complètement adaptable à l'homme. Donc nous, on étudie principalement le bulbe olfactif. C'est la première région qui reçoit l'information des neurones qui sont dans le nez. Donc il est situé chez l'homme ou chez tous les animaux entre les deux yeux. Donc c'est vraiment une structure qui reçoit l'information qui vient du nez. On parle beaucoup des neurones dans le traitement des signaux olfactifs. Et de manière générale, on parle beaucoup des neurones, mais il y a aussi l'action de la glie qui est très importante. Et c'est ce que vous étudiez ici aussi. Alors effectivement, on parle beaucoup des neurones et il faut savoir que les neurones ne représentent finalement que la moitié des cellules du cerveau. L'autre moitié, c'est les cellules gliales. Et ici, les cellules auxquelles on s'intéresse, ce sont les astrocytes. Et donc, on est en train de découvrir que ces astrocytes ont un effet vraiment très important sur le cerveau, et y compris pour la transmission du message nerveux. Alors, quel type d'expérimentation vous avez pu mettre en œuvre pour montrer justement le rôle de ces astrocytes dans l'olfaction ? Alors tout d'abord, nous avons utilisé des études d'imagerie. Quand on regarde le bulbe olfactif par des méthodes d'imagerie, on s'aperçoit qu'on voit des petites structures qui sont activées, ce sont les glomérules, qui sont composées d'astrocytes et de neurones, et qui sont vraiment la porte d'entrée du signal qui vient des neurones du nez. Et en fait, chaque odeur va activer certains groupes de glomérules, et ça va faire une sorte de QR code à la surface du bulbe olfactif, où chaque odeur va avoir sa propre carte. Et l'odeur de fraise, par exemple, ne va pas activer les mêmes glomérules que l'odeur de banane. Donc quand les neurones sont activés, ils vont libérer des médiateurs chimiques. Ces médiateurs chimiques vont envoyer le message à d'autres neurones. Mais il se trouve que les astrocytes peuvent aussi capter ces médiateurs chimiques. Et nous, on a vu que si on empêchait les astrocytes de capter ces médiateurs chimiques, alors il n'y avait plus cet apport d'énergie nécessaire au fonctionnement du neurone. Donc vous travaillez avec des rongeurs qui doivent pas être très loin d'ici, mais malheureusement on peut pas aller les déranger là tout de suite. Mais est-ce qu'on pourrait visionner des enregistrements qui montrent comment ils se comportent ? Donc en fait, effectivement, on travaille avec des souris. Les souris sont très habiles pour aller mettre leur nez un peu partout et sentir les odeurs. Donc là, c'est une caméra qui est placée dans une... C'est une cage avec... ici, il y a un petit trou où quand la souris met son nez dans le trou, ça va lui libérer une odeur. Ça va faire un petit puff d'air qui va lui libérer une odeur. Et donc, la souris va elle-même déclencher l'odeur. Elle peut avoir différentes odeurs. Elle ne sait pas a priori quel type elle d'odeur. Elle ne sait pas du tout a priori quelle odeur elle va avoir. Mais par contre, cette souris, elle a déjà été conditionnée. Elle a été entraînée. Et donc, quand c'est une certaine odeur, la souris va recevoir une récompense dans cette... Alors, à côté de la délivrance d'odeur, il y a une petite porte qui va délivrer des petites boulettes de sucre ou de l'eau sucrée. Donc, quand elle va recevoir une certaine odeur, elle va avoir une petite boulette de sucre ici. Quand elle va recevoir une autre odeur, elle n'aura pas de boulette de sucre ici. Et à quel type d'odeur elle peut recevoir la récompense ? Alors ça, c'est nous qui choisissons l'odeur. Donc, on va associer, mettons, l'odeur de banane à la récompense. Mais on ne va pas forcément prendre une odeur alimentaire. On peut aussi prendre une odeur chimique qui ne ressemble pas vraiment à quelque chose. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va nous montrer qu'elle a appris par son comportement. C'est drôle parce qu'elle met son nez, elle reconnaît direct et elle va vous rechercher la récompense. Donc maintenant, je vais montrer un essai où là, elle s'est associée à rien du tout. Donc elle met son nez, elle reconnaît tout de suite l'odeur et elle sait qu'il n'y a rien. Elle va, vous voyez, elle n'y va pas, elle tourne même le dos à la récompense. Ça vous a pris combien de temps pour arriver à leur faire apprendre la reconnaissance de ces odeurs ? Alors, pour ce test, elles mettent à peu près une semaine, cinq ou six jours. Ça doit être aussi un entraînement intense. Pour elles, c'est un entraînement intense. C'est quelque chose qu'elles font volontiers. Je pense que c'est plutôt agréable pour elles, pour avoir une récompense. Et alors, comment vous pouvez relier les conclusions de ces observations avec le rôle des astrocytes ? Donc maintenant, les travaux qui sont en cours, on essaye de voir si les astrocytes, en plus d'avoir un effet sur le signal nerveux, peuvent aussi... modifier la mémorisation des odeurs. Et donc, pour ça, on utilise un composé pharmacologique qui va empêcher les astrocytes de libérer des messagers. En fait, les astrocytes peuvent donc capter, comme je vous l'ai dit, l'activité des neurones. Elles peuvent aussi influencer les neurones en libérant des messagers chimiques. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer cette libération de messagers chimiques pendant que la souris apprend l'odeur. Donc, pendant que le premier jour où elle va... apprendre l'association entre une odeur et de la récompense, on va bloquer les astrocytes à ce moment-là. Et ensuite, quelques jours après, on va regarder si la souris a appris et on va voir s'il y a un déficit d'apprentissage ou si justement, du coup, elle n'arrive plus à avoir un comportement vraiment différent entre les deux odeurs. Voilà les recherches sur les cellules gliales liées à la perception de l'olfaction, une réaction peut-être l'un et l'autre, et les parallèles que l'on peut faire entre ces travaux et les recherches sur le goût, peut-être Charlotte Sinding. Oui, c'est très intéressant ces recherches parce qu'on a malheureusement toujours pas compris, en tout cas fait le lien entre une molécule odorante et l'odeur qui est produite, qui est construite dans notre cerveau. Bien qu'on connaisse la chimie de ces molécules, on est incapable de prédire quelle odeur aura cette molécule. Donc ça, c'est une vraie problématique au niveau industriel déjà, mais aussi une problématique parce qu'on n'arrive pas à saisir finalement bien le fonctionnement de ce système olfactif. Et elle a utilisé une métaphore qui est assez bonne, qui était la métaphore du QR code. Et ça, c'est important parce que le système olfactif, il a la particularité de fonctionner avec énormément de récepteurs. Donc on a à peu près 380 types de récepteurs différents chez l'homme. Et il se trouve qu'une molécule d'odeur, elle va pouvoir interagir avec beaucoup de ces récepteurs, un grand nombre de ces récepteurs. Donc il faut imaginer qu'il n'y a pas un récepteur qui va fixer la molécule et qui va donner l'odeur associée. C'est un grand nombre de ces récepteurs qui vont se fixer à cette molécule avec plus ou moins d'affinité. Et on va devoir, après nous, extraire lesquels sont intéressants pour pouvoir déterminer l'odeur qui est portée par cette molécule. Et donc, ça fait effectivement un QR code. Et l'idée de ces astrocytes, peut-être, ça vient compléter des premières recherches qui ont été faites, qui ont montré qu'entre les glomérules qui sont activées, ils vont s'influencer les uns les autres et diminuer ou augmenter leurs signaux les uns les autres pour affiner ce QR code. Moustapha Ben Safi. Oui, ben, en fait, s'intéresser à la matière blanche, hein, à la glie, on va dire, c'est quelque chose qui est très intéressant pour la recherche chez l'homme notamment, et notamment la recherche sur la neurobiologie de l'olfaction chez l'homme, parce que les techniques qu'on utilise sont des techniques, on va dire, on essaie d'utiliser des techniques non invasives comme l'IRM fonctionnel, où on va aller essayer de sonder ce qui se passe au niveau de la matière grise. Et du coup, si on nous dit que la glie est également impliquée dans la représentation olfactive, dans les apprentissages, ça doit nous amener à repenser aussi notre manière de mesurer la perception olfactive chez l'homme. Ce qui est intéressant, si on rapporte cela au goût, et c'est ce que vous disiez à l'instant, Charlotte Sinding, hein, c'est que finalement, on comprend bien, à l'aune de tout ce qu'on vient d'expliquer, que le goût est en fait une reconstitution cérébrale d'un certain nombre de stimuli, qui soient, encore une fois, chimiques, visuels, etc. Il y a un autre test qui est toujours assez intéressant ou peut-être amusant à commenter, puisqu'on parlait du fromage tout à l'heure. C'est-à-dire que, évidemment, bien pour quelqu'un qui apprécie le fromage, même si l'odeur est très forte, eh bien, l'odeur et la composante visuelle et la texture, tout ça va composer un tout qui va être interprété par le cerveau comme une analyse de plaisir. Si on extrait l'odeur du fromage et qu'on la fait sentir à une personne, ça va juste sentir mauvais. Oui, ça c'est une expérience qui a été commentée et, à de nombreuses reprises, mais qui est importante puisqu'elle montre qu'une odeur, en fonction du contexte dans lequel on la présente, elle aura des significations très différentes. Donc, par exemple, une molécule, l'acide butyrique, qui est assez qu'on présente seule, ça a une odeur assez très très désagréable, donc une odeur de pied en fait, et c'est donc évalué de façon très déplaisante. Alors que quand on l'associe à un terme comme parmesan, c'est évalué avec une perception très plaisante de cette odeur. Donc c'est très ces perceptions, elles sont très variables et d'autant plus au niveau de la perception hédonique, du plaisir associé, de l'appréciation de l'odeur. Alors justement, c'est intéressant, Mustapha Ben Safi, parce qu'on évoque depuis tout à l'heure cette notion de perception hédonique ou de label hédonique. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un label hédonique ? Alors, moi, je n'utilise pas la terminologie label hédonique, hein, mais en fait, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs. Il y a valence hédonique, il y a perception hédonique. En fait, l'hédonisme, c'est une doctrine philosophique, hein, qui en fait, c'est être à la recherche du plaisir. Et donc, la communauté en olfaction, en fait, a utilisé cette terminologie, ce terme hédonique, pour qualifier deux sortes d'états affectifs, agréables, désagréables. Et en fait, on les a pas utilisés comme ça, on les a utilisés parce que c'est vraiment les fonctions de l'odorat. La fonction de l'odorat, c'est nous permettre de détecter des dangers, donc nous aider à ne pas approcher une source qui peut être dangereuse, et puis d'un autre côté nous permettre d'éprouver un certain plaisir d'approcher des sources qui peuvent être bonnes pour notre organisme. Donc du coup on va pouvoir détecter des fumées, détecter l'odeur de gaz, détecter l'odeur d'un aliment avarié, ça c'est pour la partie négative. Et pour la partie positive, ça va nous permettre d'éprouver du plaisir quand on mange, ou d'éprouver du plaisir quand on sent des odeurs de fleurs, par exemple. Donc voilà, l'hédonisme, c'est ça. Et en plus de ça, c'est tout le temps connecté à une... Ça nous pousse à agir. C'est connecté à des actions, à une forme de motivation. Donc reculer ou consommer. Mmh. Et quand on fait des expériences, par exemple en psychologie expérimentale, et qu'on fait on fait parler des gens sur l'odorat, sur les odeurs, eh bien ce qu'on va constater, c'est que la première chose qui va gouverner leur discours, c'est le caractère agréable ou désagréable. C'est vraiment la première dimension qui vient à l'esprit des gens quand on leur demande de parler des odeurs. Et quand on regarde du point de vue de la neurobiologie, eh bien, c'est aussi une dimension qui est traitée de manière très importante. Au niveau des récepteurs olfactifs qui sont situés dans la cavité nasale, il y a des études qui ont montré que si vous présentez des odeurs agréables et désagréables, vous n'allez pas obtenir le même signal. Au niveau du bulbe olfactif, alors chez l'homme, ça n'a pas été fait parce qu'on a du mal à imager le bulbe, mais chez la souris, il y a des travaux issus de notre équipe, hein, de ma collègue Nathalie Mandéron, qui montrent que au niveau du bulbe olfactif, on a des traces, on a une représentation pour ce qui est de l'agréable et ce qui est du désagréable. Et cette dimension, cette valence, ce label hédonique, il va continuer à être discriminé tout au long de la chaîne du système olfactif, au niveau du cortex piriforme dans les zones primaires et même dans les zones associatives du lobe frontal. Mais ce qui est intéressant, Charlotte Sinding, c'est que ce label ou cette valence hédonique liée à l'odorat n'est pas systématiquement, par ailleurs, associée au goût. Je prends l'exemple d'une fleur, une rose, ça sent très bon, personne n'aurait l'idée d'en manger une comme ça pour autant. C'est-à-dire qu'il y a tout de même aussi, là aussi, une distinction par association de forme qui se fait. Oui, alors effectivement, il y a des. Et ça, c'est probablement lié aussi à notre expérience. En tout cas, il n'y a pas de donner directement là-dessus, mais il y a des choses qui sont consommables et d'autres qui ne le sont pas. Et il y a des odeurs qui sont très agréables et qui, pour autant, ne seraient pas consommées. Donc, quand on fait des évaluations sensorielles sur des odeurs, on a différents critères qui sont le critère hédonique, donc est-ce que c'est agréable ou désagréable, et il peut y avoir aussi le critère est-ce que ce serait consommable ou pas consommable. Donc c'est les catégorisations en tout cas sont différentes et elles sont très bien faites. On est très très bon pour catégoriser, assez mauvais pour identifier les odeurs, mais très bon pour les catégoriser, notamment dans le plaisir, la possibilité de manger ou de pas manger. On disait tout à l'heure, évidemment, il y a donc une composante culturelle. Il y a aussi une composante, je crois, Moustapha Ben Safi, génétique, parce que nous sommes tous très inégaux devant le goût. Je crois que, en fonction des individus, le nombre de papilles gustatives peut varier d'un facteur 10, hein, de 500 à 5000. Il y a des petites mutations génétiques qui font intervenir des sensibilités plus ou moins fortes, etc. Donc vraiment, le goût est une sorte de marqueur individuel d'identité et d'individualité très très fort. Deux personnes n'ont pas le même goût et même deux jumeaux élevés différents peuvent avoir des goûts différents. Oui, alors des jumeaux, c'est moins la probabilité pour qu'ils aient des goûts différents, elle est plus faible que des personnes qui ne sont pas jumeaux. Mais effectivement, on va avoir. On a au niveau du système gustatif olfactif des récepteurs. Ces récepteurs sont des protéines. Donc on va pas dans un supermarché aller en acheter. On a dans notre génome des gènes qui vont coder pour ces protéines. On a des gènes qui codent pour les récepteurs, donc les protéines gustatives, et puis des gènes qui vont faire la même chose pour l'olfaction. Alors, pour la gustation, je connais pas exactement le chiffre, hein, c'est peut-être entre 50 et 100 récepteurs. Pour l'olfaction, c'est autour de 400 types de récepteurs différents. Et la particularité, c'est qu'on n'exprime pas tous le même set de 400 récepteurs. On va avoir des fluctuations entre les individus. Et donc, du coup, comme le disait Charlotte tout à l'heure, une molécule odorante, quand elle active un récepteur, elle va en activer un, elle peut en activer 2, 3, 10. Et on va avoir certaines molécules qui vont activer qu'un seul récepteur. Imaginons que vous, une molécule active trois récepteurs, le A, le B et le C. Donc pour vous, si vous exprimez le récepteur A et B, eh bien cette molécule, elle activera le A et le B. Si vous n'exprimez pas le C, elle l'activera pas, vous l'avez pas. Si moi, je n'ai pas le récepteur A, mais j'ai les B et C, je vais avoir une image qui va être BC. Donc vous voyez déjà, sur la même molécule, au niveau neurobiologique, on va avoir une petite différence. Et à ces différences s'ajoutent, comme on l'a dit tout à l'heure, les différences liées à la trajectoire individuelle, aux apprentissages de chacune et chacun. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Peut-être une question sur... effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir des formes de handicap du goût. Ou est-ce que si on est avec moins de récepteurs, Charlotte Sinding, on va être moins sensible, avoir un goût moins fin, moins développé? Ou est-ce que même malgré ça, le goût peut continuer à s'éduquer? Alors, quand on parle que du goût, la perception, les capteurs qui sont sur la langue, c'est ce qu'on appelle l'agésie. Je connais peu de cas d'agésie congénitale, c'est-à-dire de personnes qui naissent sans sens du goût. À ma connaissance, c'est très, très rare. C'est un peu plus fréquent en ce qui concerne les odeurs. Donc, il y a des personnes qui naissent sans le bulbe olfactif et qui sont donc incapables de percevoir les odeurs. Donc c'est comme les personnes qui naissent aveugles. Donc ça c'est assez problématique puisque déjà on n'a pas le plaisir qu'on a en mangeant, donc c'est un premier aspect, mais on passe aussi à côté d'informations importantes, notamment d'informations dangereuses comme l'odeur de produits chimiques qui peuvent être dangereux ou l'odeur du gaz ou voilà. Donc ça a un certain nombre de conséquences assez importantes. Donc ça s'appelle l'anosmie et ça a aussi une conséquence qui peut être liée à des maladies, des rhumes, le Covid, on en parle beaucoup en ce moment, voilà. Donc ça, ce sont des modifications, notamment au niveau de ces récepteurs, soit au niveau des récepteurs de la langue ou au niveau des récepteurs du nez. J'ai lu qu'il y avait une agésie spécifique qui concerne 3,5% de la population au glutamate de sodium, c'est-à-dire finalement ce qu'on appelle le goût de l'umami. Un mot peut-être là-dessus pour conclure, Moustapha Ben Safi. J'aimerais aussi, si vous posez une question, comment on explique qu'il y a des plats universels entre guillemets, c'est-à-dire outre le goût sucré. Par exemple, pourquoi est-ce que tout le monde aime les frites? On aime les frites parce que c'est bien gras et puis parce que c'est bien salé et juste ce qu'il faut, comme on le disait tout à l'heure. Donc on aime parce que c'est bon. Oui, mais comment ça se fait que ce soit universel à ce point-là, vous voyez? Parce que le sucre, on peut le comprendre. On peut comprendre que les fraises, par exemple, voilà. Mais finalement, là, les frites, c'est salé, c'est gras, c'est pas très bon pour l'organisme. Mais pourquoi est-ce que on aime ça plus facilement, en tout cas, ou de manière plus universelle? Ouais, alors moi je j'ai pas de réponse formelle à cette question. Ce que je peux vous dire, ce que je pense, c'est que parce que c'est simple. Voilà, c'est très simple. Plus les aliments sont complexes, et d'ailleurs on le voit avec les jeunes enfants, hein, quand on mélange, on met un plat avec, je sais pas moi, beaucoup de légumes, on mélange les frites avec d'autres choses, ils ont pas forcément une appétence grande pour ces plats. Donc la simplicité, c'est aussi un peu la clé qui peut nous emmener à l'universalité. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Moustapha Ben Safi. On peut vous lire pour poursuivre cela sur l'olfaction cette fois. Vous avez coécrit avec Catherine Roubi, Cerveau et Odorat, comment rééduquer son nez. C'est chez EDP Science. Merci également Charlotte Sidning d'être venue nous parler du goût. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lozen, Eve Etienne, Dominique de Saint-Vulfran, Natacha Triou, Tobi Mdenstock, Alexandre Morales, Olivier Bétard à la réalisation. Et dis-le à la technique. Demain, c'est un ressort classique et redoutable efficace de la science-fiction, mais qu'en est-il d'un point de vue scientifique? On va parler du multivers en physique théorique. Quelles sont les limites de la recherche dans ce domaine? Réponse à 16h, jusqu'à preuve du contraire.